Sur la première, jusqu'à 14h, on écoute Histoire vivante. Bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On voit les Arabes portant dans leur turban une sorte d'épi de maïs. C'est cette fleur d'oubli qui répand pendant de longues semaines ce parfum étrange. Cette semaine, l'Arabie Saoudite. Moi, je suis l'idéologie et toi, tu es le bras armé. Fondation. L'Arabie abrite les deux principales villes saintes de l'islam. Et transformation. Nous allons voir ce que les Américains peuvent faire en apportant leur technique dans les sables d'Arabie. Une immuabilité en mouvement. De toute évidence, le roi Saoud n'était pas à la hauteur. Et qu'il devrait qu'on pratique l'esclavage en Arabie Saoudite. Oqsimu billahi al-azim. Vous avez ces 6000 personnes qui sont les propriétaires du pays. Ladies and gentlemen, the man that you all would like to hear from. His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Je me suis dit que s'attaquer à un dictateur qui était un ami de l'Occident, c'était tout à fait intéressant. Et je dois dire, j'ai pas été déçu. Égypte, début d'année 1954. Une fraction islamiste est déterminée à éliminer le nouveau chef égyptien, Gamal Abdel Nasser. Les membres de cette fraction imaginent un attentat suicide. Équipé d'une ceinture de dynamite, l'auteur de l'opération devra s'approcher de la cible et déclencher l'explosion. C'est l'une des premières fois qu'une tentative de ce type est envisagée. Mais la tactique ne trouvant pas de volontaires, on s'entend sur un attentat plus conventionnel. L'exécution en est confiée à Mahmoud Abd al-Ratif. هذا جمال عبد الناصر يتكلم إليكم بحول الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا عليه. Ce 26 octobre 1954, Mahmoud Abd al-Ratif parvient tout juste à effleurer sa cible. Nasser, lui, garde son sang-froid. Il ne cherche pas à esquiver ou à se protéger des balles, il s'adresse à la foule et par la radio à la nation égyptienne tout entière. Chers compatriotes, je verse mon sang pour vous et pour l'Égypte. Je vivrai pour vous, je mourrai pour vous, pour votre liberté et pour votre dignité. Qu'ils me tuent. Cela importe peu si j'ai réussi à vous restituer la fierté, la dignité et la liberté. Si Gamal Abdel Nasser meurt, chacun d'entre vous sera Gamal Abdel Nasser. Ce jour-là, Nasser devient le héros du pays. Et au-delà, avec la disparition peu avant du roi fondateur de l'Arabie Saoudite, c'est tout le Moyen-Orient qui voit son équilibre stratégique bouleversé. L'Égypte et l'URSS semblent avoir des choses à se dire. Washington s'en inquiète. Extrait de la maison des Saouds de Jihan al-Tahri avec, par ordre d'apparition, Am al-Faisal, petit-fils du roi Faisal, le prince Sultan bin Salman, fils du roi Salman et petit-fils d'Abdelaziz, fondateur du royaume d'Arabie Saoudite. La guerre froide était à son apogée. Deux puissants empires se livraient une lutte acharnée à travers le monde et détruisaient des pays sur leur passage. C'était aussi la fin de l'ère coloniale. Les pays qui venaient de conquérir leur indépendance débordaient de vitalité, d'énergie, et voulaient faire leurs preuves. Ils voulaient un pays neuf. Ils avaient soif de changement et de renouveau. Dans ce contexte, nous faisions figure de rétrograde. Nous étions à contre-courant. Nous ne voulions pas adopter ces nouvelles formes de pensée, le socialisme ou le communisme. Nous avions déjà notre isme, nous avions l'islam. Nous étions heureux et unis autour de l'islam, et tout ce qui venait de l'extérieur n'aurait fait que semer la discorde dans le pays. William Stoffels et Herman Hales, côté américain, nous rappellent l'enjeu de la situation pour les États-Unis. L'Arabie saoudite constitue la cheville ouvrière, la clé de nos relations dans l'ensemble de la région. Et le pétrole est au centre de tout cela. La prise de contrôle des gisements pétroliers par le bloc soviétique nous aurait complètement anéantis. L'administration Eisenhower voyait en la personne du roi Saoud un concurrent potentiel au président Nasser pour exercer une domination dans la région. En février 1957, le roi Saoud est le premier monarque saoudien à être invité en visite officielle aux États-Unis. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle invitait Sa Majesté et 8 personnes de sa suite. L'information a été transmise au roi et en particulier à ses conseillers. Nous nous sommes regardés et nous avons compris qu'il serait bien plus de 8. Au moment d'embarquer, ils étaient presque 80. Eisenhower s'est rendu à l'aéroport pour accueillir le roi, ce qui était contraire à ses habitudes. Il était décidé à traiter le roi comme l'un de ses meilleurs amis. Mais décidément, ce voyage n'est pas fait pour passer inaperçu. Le gouverneur de New York, israélite ayant refusé de le recevoir, le président doit se rendre personnellement à l'aérodrome de Washington pour réparer l'impair, inaugurant une tradition périlleuse pour sa santé. Durant une semaine, c'est un assaut de prévenance pour l'étrange invité d'honneur, le plus beau big show diplomatique qu'on vit jamais au bord du Potomac. Le roi distribue autour de lui une malle de montres suisses, des poignards et des sabres d'or, des manteaux de laine fine. Il se gagne la sympathie générale en applaudissant un match de basket. Il a du mérite à feindre l'intérêt car sa terrible myopie le condamne à vivre toujours dans un univers dépoli. Saoud ne sera jamais le grand leader arabe dont Eisenhower avait rêvé, l'anti-Nasser en quelque sorte. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Les loyers versés par les États-Unis pour la base de Dahran ne suffisent pas à sortir le royaume de sa crise financière, une crise dont un seul est responsable, le roi. Un roi qui devient l'objet de 1000 critiques. On lui reproche d'avoir dilapidé sa cassette dans un extravagant complot contre le président Nasser, d'avoir dépêché en Europe son confident, Mohamed Saban, avec 5 millions de dollars à mettre en lieu sûr. Bref, d'être un fort mauvais exemple pour les 322 princes du sang, sa maison innombrable, ses frères, ses oncles, ses 40 fils, ses 100 femmes et favorites, ses chers et ses caïds. L'or, en effet, semble lui brûler les doigts. Il n'a de cesse qu'il ait acheté tout ce qu'il surprend dans l'épais catalogue de Sears & Roebuck, la maison américaine qui vend tout. Chaque jour de l'année, il ajoute une voiture à sa flotte chromée et luisante. Son fabuleux palais Nasri, à peine achevé, avec ses buissons de roses, ses viviers, ses oiseaux exotiques en plein désert de sable, qui l'en construit un autre, moyennant 80 millions de francs suisses. 3 km carrés de surface, des amoncellements de marbre, des murs de porcelaine, les plus beaux tapis d'Ispahan, de l'or, des cristaux, une piscine monumentale, un jardin zoologique, l'ensemble noyé dans le néon et les ampoules multicolores. Le palais consomme plus d'électricité que les 300 000 habitants de la capitale. À l'âge planétaire, les mille et une nuits ne sont plus de mise, surtout dans un pays où il n'y a pas un médecin pour 10 Cadillacs. En 1958, le gaspillage royal se solde par une dette de 4 milliards de francs suisses envers l'Aramco, la compagnie pétrolière américaine. Un homme va prendre les commandes du pays. Le frère Faisal. Cette mutation, ce passage du pouvoir royal d'une main à l'autre, d'un frère à l'autre, n'est possible qu'avec l'accord des oulémas. Et ce changement de régime inquiète tout le monde. L'ambassadeur américain William Stoffels, Mike Amin, directeur de l'Aramco, la société américaine gérant le pétrole en Arabie Saoudite. Pour la famille royale, les choses prenaient une tournure délicate. De toute évidence, le roi Saoud n'était pas à la hauteur. Non seulement il avait conduit le pays à la faillite, mais il avait des projets dangereux. Il voulait se débarrasser de Nasser, ce qui était complètement insensé. Le gouvernement saoudien causait de sérieuses inquiétudes, non seulement à l'Aramco, mais aussi au gouvernement américain. La seule personne qui pouvait sauver l'Arabie saoudite, c'était Faisal. À Riyad, beaucoup redoutaient qu'une guerre civile n'éclate. Le prince Mohamed Al-Faisal, fils du roi Faisal, nous rappelle sur quoi repose le fragile équilibre. Destituer un monarque n'est pas une tâche facile à exécuter. C'est une opération sérieuse et dangereuse. Si on le fait une fois, cela signifie qu'on pourra le refaire. En Arabie Saoudite, les individus les plus importants sont les membres de la famille royale, les oulémas, les hommes d'affaires et les commerçants. Il était important que ces groupes parviennent à un consensus pour mener à bien cette destitution. Mike Amin. Les frères de la famille royale se sont réunis. C'était dans leur intérêt, il fallait faire quelque chose. En novembre 1964, ils ont décidé d'aller trouver les hauts dignitaires religieux et de s'en remettre à eux. William Stolfus. Saoud a été rayé de la lignée royale. Lorsqu'on se rendait dans un palais ou dans tout autre endroit, on pouvait voir la photo d'Abdelaziz, de Faisal. Saoud, lui, ne figurait sur aucune photo. C'était comme s'il n'existait pas. Le prince Turki Al-Faisal. En 1964, j'étais étudiant de première année à la faculté de Georgetown, à Washington. J'ai été convoqué par le doyen de l'université. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Une fois dans son bureau, il m'a demandé si je désirais que des gardes du corps assurent ma protection, étant donné que ma situation avait changé. Internet n'existait pas, et l'information ne circulait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. C'était un lundi. À ce moment-là, j'ignorais totalement que mon père était devenu roi. Les oulémas prononcent une fatwa approuvant l'abdication du roi Saoud et le transfert de ses fonctions à son frère Faisal. Saoud est discrètement prié de quitter le pays. Il se retire en Grèce. L'homme des villes, l'homme du souk dans sa boutique, le chauffeur de taxi dans sa voiture, écoute la radio du Caire. Depuis l'arrivée de Nasser, le pays voisin a changé. C'est muet et il s'est lancé dans un nationalisme entraînant avec lui des réformes vers la modernité pour tirer le pays des archaïsmes. Faisal, en Arabie Saoudite, c'est lui aussi qu'il doit prendre un tel virage. Quand est mort le roi patriarche, Ibn Saoud le père, qui a donné son nom à ce quadrilatère de sable avant de le savoir imbibé d'huile et destiné à servir de porte-avions entre la mer Rouge et le golfe Persique, l'agonie coïncida avec la première grève du personnel arabe de l'Aramco. Le vieux roi avait refusé aux ouvriers le droit de former des syndicats. Or, aujourd'hui, en bleu de travail, rien ne les distingue des ouvriers étrangers. Ils sont à l'aise devant les cadrans et les manettes, au volant et à la planche à dessin. Ils parlent anglais, mangent avec une fourchette, fiers de leur douche, de leur poste de radio et de leur carnet de chèques. L'Occident a fait son entrée à grand vacarme, a brûlé les étapes, dressant le drugstore à côté de la tente rapiécée. La grève fut matée, on fouetta les meneurs, même à l'intérieur de la concession américaine, par ordre du roi. Mais rien n'est vraiment rentré dans l'ordre depuis. Pour le roi Faisal, les défis sont innombrables. Il lui faut moderniser le royaume des sables. Moderniser. Un concept des plus délicats à manier en Arabie Saoudite. Son Altesse royale, le prince Mohamed Al-Faisal. De toute évidence, la modernité signifie l'occidentalisation. C'est un mot en vogue. Moderne veut dire occidentalisé. Voilà bien ce qui pose problème. Bien sûr, les gens veulent avoir de meilleures conditions de vie. Mais ils ne souhaitent pas pour autant sacrifier leur culture, leur histoire, pour ressembler aux Français, aux Anglais ou aux Américains. Non, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Hermann Hels, ambassadeur. Le roi Faisal pouvait traiter avec les oulémas, car il connaissait l'islam aussi bien qu'eux, et il le savait. C'est comme ça qu'il est parvenu à moderniser le pays. Il n'est pas aisé de convaincre les oulémas du bien fondé de la modernité, nous rappelle le prince Mohammed. Pour eux, la télévision était un péché. Cela allait à l'encontre de notre religion, car les images sont interdites, leur retransmission d'autant plus. Les oulémas la considéraient comme une hérésie. Pour eux, c'était comme si le gouvernement avait pactisé avec le diable. Son Altesse Royale Salman. Il a donc fait la chose suivante. Il a demandé à quelqu'un de réciter un passage du Coran, et il l'a fait retransmettre à la télévision. Puis, il leur a dit, vous voyez, ça, c'est comme une épée. On peut l'utiliser pour faire le bien ou pour tuer. C'est un outil. Mais c'est le même débat qui continue aujourd'hui avec l'Internet. Le roi recevait le ministre koweïtien du pétrole de l'époque. Faisal bin Moussaïd, l'un de ses neveux, est entré dans la salle derrière lui. Son frère avait été tué par la police du roi Faisal à l'époque de la contestation provoquée par l'arrivée de la télévision. C'était un type un peu cinglé, il buvait. Les gardes du corps ne le connaissaient pas, mais ils pensaient qu'il faisait partie de la délégation koweïtienne. Lorsque le ministre koweïtien s'est penché pour saluer le monarque, il a sorti une arme et a tiré sur le roi par-dessus l'épaule du ministre. Bien sûr, il a tout de suite été arrêté par les membres de la sécurité. Mais le mal était fait et le roi est mort avant d'arriver à l'hôpital. Le choc provoqué par l'assassinat du roi Faisal est d'autant plus violent que le meurtrier appartient à la famille royale. Compte tenu des récents événements pétroliers, de la relation difficile avec les États-Unis, de la tension entretenue avec une partie du monde arabe, de son insistance de toujours à être aux côtés des Palestiniens, le rôle du roi Faisal en politique internationale est prépondérant. Dès lors, on peut s'interroger sur la nature de l'assassinat. Télécommandé ou non, de l'extérieur. Oui, ça c'est encore trop tôt pour se faire une opinion là-dessus. Jean-François Chauvel, au micro de Claude Meret, le 27 mars 1975. Ce qui est certain, c'est que le prince Faisal bin Moussaed, qui est l'assassin, était le fils d'un des demi-frères de Faisal, connu pour être un débauché et un drogué. Donc l'hypothèse d'un crime imbécile n'est pas du tout à exclure. Ceci dit, il a pu être poussé ou par Kadhafi ou par des extrémistes irakiens. C'est assez difficile à dire. Vous savez, le roi Faisal avait pris très à cœur son rôle de chef du cœur du monde arabe, puisque son pays s'appelle l'Arabie, et qu'en outre, l'Arabie abrite les deux principales villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Gardien des lieux saints, il avait une politique islamique. Et c'est lui qui, pour contrer la coalition organisée par Nasser avec les pays arabes révolutionnaires, avait élargi le débat en créant la conférence panislamique qui englobait non seulement des Arabes, mais des Indonésiens, des Pakistanais, des Malais, enfin tout le monde musulman. Je ne pense pas qu'il y aura de problème intérieur en Arabie Saoudite pour la succession de Faisal. Par contre, le monde arabe est désormais orphelin. Car le roi Faisal, par son prestige, en plus un prestige, comme je vous le disais, appuyé par un trésor de guerre important, avait fait de Faisal le véritable chef de file du monde arabe. La disparition de Faisal est un coup très dur pour les Arabes, mais c'est surtout un coup dur pour les modérés. La Maison des Saoud, dont nous avons entendu des extraits, est un documentaire réalisé en 2004 par Jihan El-Tari. Retour sur un entretien que nous avions eu auprès d'elle au moment de la sortie de son film. Je m'appelle Jihan El-Tari, je suis réalisatrice et je viens de terminer le film sur l'Arabie Saoudite qui a pris 13 mois d'enquête et de tournage. Comment s'est opéré le choix ? C'est de votre part une intention préalable ou ça s'est présenté comme ça ? Rien n'est par hasard. Je pense que je viens quand même d'une région où le conflit prend beaucoup de place de notre vie quotidienne, si vous voulez. Et, vous nous dites, parce que vous nous dites que vous venez, mais vous venez d'où ? Je suis égyptienne, mais j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Mon père est diplomate, donc j'ai grandi un peu partout dans le monde. Mais j'ai fait mes études à l'université américaine du Caire. Les deux sujets que j'étudiais, c'était le conflit palestinien et c'était l'Afrique du Sud. Jihan El-Tari, comment en arrivez-vous pour ce documentaire à travailler sur l'Arabie Saoudite ? L'Arabie Saoudite, c'est le pays où il y a la Terre Sainte. En fin de compte, on ne connaît pas grand-chose de l'Arabie Saoudite. On sait que c'est des musulmans très rigoureux et que tous les différents clichés s'appliquaient. Le luxe, les princes qui dépensaient dans les différentes capitales occidentales des millions de dollars des fois par nuit. Et au même temps, à l'intérieur de pays, toutes les femmes sont voilées. En fait, je me suis rendu compte que je connaissais que des clichés. Et suite au 11 septembre, il y a eu cette information que 15 parmi les 19 auteurs du 11 septembre étaient des Saoudiens et tous assez bien éduqués, venant d'un milieu pas forcément pauvre. Donc le côté économique n'était pas la raison pour un acte pareil. Et moi, c'est vrai que ça m'intriguait. Choisir un pays comme celui-là, c'est s'atteler à avoir à faire un casting pour votre documentaire d'intervenants qui n'est pas des plus simples. Comment vous y êtes-vous pris pour faire parler les princes et ont-ils été rapidement convaincus par vos propositions ? En tant que femme arabe musulmane, c'était pas évident que les Saoudiens vont me laisser entrer en Arabie pour tourner et ni qu'ils accepteront de me parler. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce documentaire, j'avais un plan A et un plan B. Parce que pour moi, c'était évident que c'était un sujet qu'il fallait aborder. Et c'est pas le fait qu'on vous ferme la porte qui m'empêchera de faire le travail que je dois faire. Donc, le plan A, j'ai fait une casting suivant les thèmes et les histoires que, après mon enquête, j'estimais essentielles. Et j'avais la liste des noms des gens qui sont les meilleurs témoins pour chaque épisode de mon film. Cette liste-là, c'était ce qu'on appelle my wish list, mon liste de rêves. Et voilà, mais j'ai passé quand même 9 mois à harceler les Saoudiens, mais tous les jours, pour me donner un visa, et je n'avais aucune réponse. Donc, mon plan B, c'était, si je n'arriverais pas à entrer en Arabie Saoudite, ni au parler au prince, il faudra que j'obtienne sur l'Arabie Saoudite des choses qui nous aident d'aller plus loin et qu'on n'a jamais vu et qui nous aideront à réfléchir autrement de l'Arabie pour voir la vraie histoire qu'on ne connaît pas, pas que les clichés. Donc j'ai essayé d'obtenir des images d'archives que j'ai récoltées mais un peu partout dans le monde. Et ça, c'était un vrai travail passionnant parce que j'essayais de trouver des gens qui ont travaillé en Arabie Saoudite et qui rencontraient tous ces gens-là dans les années 40, 50, 60 et il fallait que je trouve des gens qui avaient filmé et filmé les choses que je voulais et qu'ils acceptaient de me donner ces images. Et j'ai quand même réussi à obtenir des images qu'on n'a jamais vues, qui sont des images très étonnantes, des images de 8 mm dans les années 40 et 50, absolument passionnantes. Vous avez rappelé toutes les conditions historiques qui précèdent la mort du roi Faisal, son assassinat. On est bien obligé de se fier à la version qui nous est donnée, mais en même temps, quel assassinat politique exemplaire que la mort du roi Faisal. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a effleuré ? C'est quelque chose que j'ai enquêté pendant 6 mois, dans ses détails. Donc, il n'y a pas de hasard. Et je pense qu'il y a énormément de rumeurs. Et les rumeurs, il y en a en Arabie Saoudite encore plus qu'ailleurs. Et bien sûr que j'ai eu les pistes classiques, assassinat par le CIA et toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que après une enquête, mais quand je parle de 6 mois, il avait déjà passé 30 ans de son assassinat. Donc il y avait énormément des documents qui ont été déjà rendus publics dans les archives américaines et britanniques. Et quand je dis britannique, c'est parce qu'il y a souvent dans les archives britanniques des éléments, des gens qui donnent des rapports de ce qui se passait en Arabie, aux États-Unis. Mais je n'ai pas trouvé des éléments convaincants, vérifiables et qui tenaient la route sur cette rumeur-là. Et honnêtement, je pense qu'on sous-estime, et c'est un des messages que j'ai essayé de faire passer par ce documentaire, on sous-estime l'ampleur de la division qui a été créée entre les conservateurs qui voulaient rester dans un pays fermé suivant des lois divines et la modernité et l'ouverture. Après Jihan El-Tari, réalisatrice du documentaire La Maison des Saoud, demain nous serons en compagnie d'un autre réalisateur, Antoine Witkin, un grand fidèle d'Histoire vivante. Il nous revient avec un nouvel opus consacré à l'Arabie Saoudite. Son film est tout simplement intitulé par les trois initiales MBS. Je suis Mohamed Ben Salman, plus connu sous l'acronyme MBS. J'ai 34 ans. Prince héritier d'Arabie Saoudite, je suis accusé d'avoir fait assassiner un journaliste, kidnapper un dirigeant étranger. Je mène une guerre sanglante au Yémen, réprime toute opposition. On me considère impulsif, imprévisible. Je suis pourtant reçu avec tous les honneurs. Mon royaume possède d'immenses réserves pétrolières et pèse sur l'économie mondiale. Je détiens les principaux lieux saints de l'islam. Je suis le premier client des industries d'armement occidentales. Je suis un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. Je mène des réformes qui pourraient transformer mon pays et vous enrichir. Je suis incontournable. Je suis votre allié. Mais pour vous, cela a un prix. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.